Je dis cela parce que ça m'a été suggéré par mes amis américains. Ce livre entier m'a été suggéré par mes amis américains. Il est complètement absurde de croire que c'est un livre entier américain. C'est un livre inspiré par des Américains qui eux-mêmes sont anti-américains, au bon sens du mot. Et qui m'ont suggéré un sursaut des Européens complètement américanisés contre cette insupportable colonisation de nos esprits. Alors ce que je dis, c'est très simple, c'est que, comme le président Carter lui-même l'a dit explicitement, et d'autres avant et après lui, les États-Unis se sont aperçus au bout de quelques temps qu'à côté du hard power, qui est celui des armes et de la domination politico-économique, il y avait le soft power, qui est précisément les contenus des mots, l'idéologie, et la conquête des esprits du monde entier par un certain nombre de contenus qui sont de l'ordre de la pensée. C'est ça que l'on peut dire pour gloser l'idée que qui possède les mots possède du coup l'esprit des gens auxquels ces mots sont destinés. Et pourquoi du coup aujourd'hui une pensée, et je vous cite là aussi, pourquoi, et c'est dans le début du livre, pourquoi une pensée molle, dites-vous, habite les esprits ? Eh bien parce que... Vous dites où sont les Foucault, les Barthes, les Lévi-Strauss d'aujourd'hui ? Je dis cela. Je ne suis pas un homme nostalgique, je ne pense, je suis entièrement axé vers l'avenir et le passé m'intéresse peu. Je veux seulement dire que j'attends avec impatience, je ne suis pas le seul, l'apparition, la surrection de gens éminents, des hommes et des femmes qui soient des guides de pensée pour nous, qui nous apprennent à penser, comme cela a été le cas dans le passé, comme cela peut très bien être le cas dans le futur. Ce qui rend la chose non pas problématique, mais en tout cas différée pour quelque temps, c'est précisément le poids de la pensée unique, c'est-à-dire d'une pensée qui a pour support l'anglais et qui est une pensée néolibérale dont nous sommes tous les victimes, à commencer par les pays d'Occident, mais aussi ceux d'Asie du Sud-Est, les pays industrialisés comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam de plus en plus, etc. Bon, c'est la même chose, et l'Europe occidentale tout entière, à savoir des pays qui sont entièrement rangés sous la bannière du néolibéralisme, c'est-à-dire du profit à tout crin, sans aucune considération d'ordre culturel, sans aucune considération d'ordre humain, social, mais avec simplement un attrait pour le profit immédiat et le profit à longue durée, d'où les crises. Qu'est-ce que c'est que les crises qui se succèdent ? Eh bien, c'est un moment de paroxysme où éclate une bulle qu'on a longtemps cultivée et laissée gonfler. Après cette crise, il y a un petit moment hypocrite de morale, de retour à l'éthique, de critique, de punition quelquefois même, de responsable. Et puis aussitôt après, ça recommence. C'est ça que la pensée unique a pour... dont elle est le support qu'elle a pour objet principal. Et c'est cela que je dénonce. Le vecteur en est l'anglais. Je m'empresse d'ajouter, avant de terminer ma réponse un peu longue à votre question, mon cher... qu'il y a aussi, parmi les gens qui cultivent cette langue, des esprits libres, et que l'anglais sert de support aussi bien à la pensée unique que je dénonce, qu'à une chanson révolutionnaire, un certain nombre d'écrivains, d'artistes, qui, dans cette langue, mais aussi dans d'autres langues, mais notamment en anglais, je dis ça pour qu'on ne croie pas que je considère que l'anglais est le support uniquement de cela. Il est aussi le support d'une pensée libérale, libertaire, pas libérale, libertaire, défendant la liberté contre la fausse liberté, qui est le libéralisme, c'est-à-dire la liberté de faire de l'argent en profitant des malheureux qui sont incapables d'en faire et qu'on exploite.